le conducteur entra et, s'apercevant que la bougie de la lanterne était au bout de sa mèche, l'éteignit sans en mettre une nouvelle. Le jour commençait à poindre. Poznichev se tut, soupirant péniblement durant la présence du conducteur, et ne reprit son récit que lorsque le conducteur fut sorti. L'on n'entendit plus que la trépidation des vitres du wagon en marche et le ronflement rythmique du commis. Dans la pénombre de l'aube, je ne distinguais plus du tout les traits de Poznichev. Je n'entendais que sa voix, de plus en plus émue et douloureuse. J'avais 35 verstes à faire en voiture et 8 heures de chemin de fer. Le voyage en voiture fut charmant. On était en automne, il faisait froid, mais le soleil brillait. Les roues traçaient une ornière sur la route bien unie. Le soleil était clair, la brise fraîche. Le tarantas était confortable. Et dans ma contemplation des chevaux, des champs et des passants, j'oubliais complètement où j'allais. À moitié route, je fus distrait par un incident. Une pièce du tarantas se brisa. Il fallut la remplacer. Cet incident eut pour suite le fait que je suis arrivé à Moscou non à 5 heures du soir, comme j'avais compté, mais à minuit. Et je n'arrivais chez moi que vers 1 heure du matin. La recherche d'un abri, les réparations, le paiement, le thé à l'auberge, la causette avec le portier, tout cela fut pour moi une diversion agréable. Le soir, une fois tout terminé, je repris mon voyage plein de nouveaux attraits. La lune était à son premier quartier, il gelait un peu. Les chemins étaient bons, les chevaux vifs, le postillon bavard. J'allais ainsi, le cœur content, peu préoccupé de ce que j'allais trouver. Peut-être aussi en avais-je l'intuition, et ma gaieté venait-elle de ce que j'allais dire adieu au plaisir de la vie. Mais ce calme, cette absence de préoccupation, cessèrent dès que je descendis de la voiture. À peine monté en wagon, ce fut tout autre chose. Ces 8 heures de chemin de fer furent pour moi vraiment terribles. Je ne les oublierai pas de ma vie. Cela venait-il de la pensée qu'en montant en wagon, je me figurais déjà être rentré chez moi, ou de la trépidation excitante du train? Toujours est-il que, dès que je fus en wagon, il me devint impossible de maîtriser mon imagination. Elle m'emporta à travers des images plus cyniques les unes que les autres, toutes distinctes, quoique de même nature, faisant défiler devant ma jalousie portée au comble toutes les scènes qui se passaient là-bas en mon absence. Je brûlais d'indignation à la vue de ces images. La rage et je ne sais quelle ivresse de ma propre humiliation m'étreignaient fortement. Et toujours ces images que je ne pouvais chasser, toujours là, devant moi, me hantant. Plus je les voyais, plus je croyais à leur réalité, oubliant qu'elles étaient sans consistance aucune. Je ne voulais pour preuve de leur existence que la précision que j'y voyais. On eût dit que, malgré ma volonté, un démon inventait et me soufflait les fictions les plus effrayantes. Il me revint en mémoire une conversation depuis longtemps oubliée que j'avais eue un jour avec un frère de Troukachevski. Je me torturais le cœur avec enivrement en rapportant cette conversation au cas du violoniste et de ma femme. Oui, elle datait de longtemps, mais je m'en souvenais bien. Le frère de Troukachevski, auquel j'avais demandé s'il fréquentait les maisons publiques, me répondit qu'un homme qui se respecte ne va pas dans les endroits sales et vils, où on risque d'attraper des maladies, alors qu'il peut trouver une femme honnête. Et son frère, le musicien, l'avait trouvé, la femme honnête, plus de la première jeunesse, il est vrai, avec une dent de moins sur le côté, devenue un peu épaisse, mais bah, on prend ce qu'on trouve. Il lui fait une faveur en la prenant pour maîtresse, et du reste, elle ne menace pas sa chère santé. « Oh non, c'est impossible, reprenais-je avec effroi, rien de tel ne s'est passé, je n'ai aucun motif pour le supposer. » Ne m'a-t-elle pas dit que la seule pensée que je pouvais être jaloux était une honte pour elle ? « Elle l'a dit, mais elle mentait !» criait une voix intérieure. et la lutte recommençait. Il n'y avait que deux voyageurs dans le wagon où je me trouvais, une vieille dame et son mari, tous deux peu causeurs. Ils descendirent bientôt d'ailleurs et me laissèrent seule. J'étais comme une bête fauve en cage. Tantôt je me levais brusquement, je m'approchais de la fenêtre, tantôt je marchais d'un pas incertain, comme si j'avais espéré augmenter par mes efforts la vitesse du train. Ce wagon avec ses banquettes et ses vitres tremblait sans cesse, hein, tout comme celui-ci. À ces mots, Poznichev se dressa, parcourut fiévreusement le wagon et de nouveau se rassit. Ah, comme je redoute les wagons de chemin de fer! L'épouvante me saisit. Je voulais songer à autre chose. Au maître de l'auberge, où j'avais pris le thé, par exemple. À mes yeux apparaissait le portier, avec sa grande barbe et son petit-fils, qui était de l'âge de mon petit Vaïssa. Mon petit Vaïssa! Mon petit Vaïssa! Il verra le violoniste embrasser sa mère. Que se passera-t-il dans sa pauvre petite âme? Mais que lui importe à elle? Elle l'aime. Et de nouveau, les images défilaient. Non. Je vais penser à ma visite à l'hôpital. Oui, hier, un malade s'est plaint du médecin, celui qui a des moustaches, comme celle de Troukachevski. Et avec effronterie, ils tous deux me trompaient quand il disait qu'il partait. Et cela recommençait. Je souffrais horriblement. Mes tortures venaient surtout de mon ignorance, de mes doutes. Je ne savais s'il fallait la haïr ou l'aimer. Et je souffrais à ce point que, finalement, je ne savais plus que faire. Une idée me vint qui me plut, me jeter sous les roues du train et en finir une bonne fois. Une seule chose arrêta l'exécution de mon plan. Ce fut la pitié que j'éprouvais pour moi-même, pitié qui fit naître une haine acharnée contre elle. Je n'avais envers lui qu'un sentiment étrange de mon humiliation et de sa victoire, mais elle, je la haïssais. Non, je ne la laisserai pas par ma disparition libre d'elle-même. Il faut qu'elle souffre aussi, qu'elle se rende compte des souffrances que j'ai endurées. Je sortais à tous les arrêts pour me distraire de mes pensées. À une gare, comme je vis qu'on buvait au buffet, j'allais absorber un verre de vodka. À côté de moi, un juif buvait. Il se mit à me parler et pour ne pas remonter seul dans mon wagon, je le suivis dans sa troisième classe pleine de fumée et sale, le plancher jonché de pelures de graines de tournesol. Je pris place à ses côtés et il me raconta des anecdotes. J'écoutais, mais sans suivre son récit, absorbé que j'étais par mes pensées. Il s'en aperçut et voulut de nouveau attirer mon attention. Je me levai alors et remontai à mon wagon. Je voulais réfléchir et voir si vraiment j'avais raison de me tourmenter. Je m'assis pour être plus calme. Mais immédiatement, mon raisonnement s'envola et les mêmes images se succédèrent devant mes yeux. Combien de fois je m'étais déjà mis à la torture dans mes accès antérieurs de jalousie, et toujours, sans le moindre motif, pour rien. Sans doute en est-il de même aujourd'hui, sûrement, pensais-je. Je vais la trouver endormie, elle se réveillera et sera heureuse, et par ses paroles, par ses regards, je me convaincrai qu'il n'est rien arrivé, que mes inquiétudes étaient vaines. Oh, que ce serait beau! Non, il en a été trop souvent ainsi, insinue une voix. Aujourd'hui, c'en est fait. Et mon supplice recommençait. Quel martyr! Ce n'est pas dans un hôpital de syphilitique que je conduirais un jeune homme pour le dégoûter des femmes, mais dans une âme troublée comme la mienne pour qu'il voie quel démon la déchire. La chose horrible, c'est que je me reconnaissais sur son corps un droit indiscutable, comme si elle eût été ma propre chair. Et cependant, je sentais que je ne tenais pas ce corps en mon pouvoir, qu'il ne m'appartenait point, qu'elle en pouvait disposer à sa volonté, et que sa volonté n'était pas conforme à mes désirs. J'étais désarmée envers lui et plus encore envers elle. Si elle n'a pas failli, mais qu'elle en a le désir, et je sais qu'elle en a, c'est bien pire. Mieux vaudrait que la faute fût commise et que je sorte enfin de ce doute affreux. Je ne pouvais pas formuler ce que je souhaitais. J'aurais désiré qu'elle ne voulût point encore ce qu'elle devait forcément vouloir. C'était pure folie.